yeux, par exemple, d'écouter avec ses yeux et réalise que parfois, les yeux savent mieux écouter que les oreilles. Thank you. Il est pas tout à fait 21h, donc c'est pas tout à fait nuisance, quoi. Mais c'est bien Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Bon ben, vous écoutez Nuisance, ça y est, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Et donc, vu que Nuisance c'est une émission de musique, et ben on va vous passer de la musique. Donc c'est de la musique genre bien quoi, tu vois. Vous allez voir, je veux dire, c'est bien. Stored on the shelves of my memory, my thoughts are in perfect array. My life runs smooth like a highway. Billboard, show me the way. My way of life has the glamour of an artificial neon ad. I need overwhelming information for a complete shopping list. Acrylic colors oscillate my eyes when I walk down a drugstore. C'est cool, bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, une émission qui nuit au sens. Bienvenue, bienvenue encore. My thoughts are still like photos in the hall of Le gros chat noir s'est couché en rond, tout en rond. D'un air tranquille, il observe autour de lui. Une mouche s'est posée sur sa moustache juste pour l'embêter. Comme ça. Puis elle s'est envolée. Et c'est là. Oui, là, que j'ai tourné la clé. La mécanique s'est mise en marche. Le chat s'est mis à ronronner. En faisant piéti-piéta sur mon bras. Quand tout à coup, il s'est tourné vers moi et m'a dit: éparpillez vos cœurs vers des frontières irraisonnées. Éparpillez vos cœurs vers des frontières irraisonnées. Puis il s'est mis à ricaner. Dimanche, un mal. bah bienvenue encore, hein, c'est toujours le bordel quoi. Dans quelques minutes un morceau. Puis il s'est mis à ricaner. Ricaner, ricaner, ricaner. Donc, petit morceau, David Lataillade à la guitare et Jérôme Lacoste à la batterie. Qui aille, c'est un duo. We'll be right back. êtes toujours sur Canal Sud, donc sur Nuisance, dans l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Vous avez entendu David Lataillade avec son pote Jérôme Lacoste à la batterie, David Lataillade à la guitare. Et là, vous entendez en ce moment même John Coltrane avec Méditation, Holy Ghost, Father, The Son, Interstellar, Space is not the place. Il lui souffle. On Canal Sud, Anal Scud, In Your Face. Bon bah c'est retour à Nuisance. Hein. Shit, man, it's fucked up, we're never gonna make it, It's over. Over. It's over and out. We're dead already. Bon, tout ça pour dire qu'il se passe pas grand chose. On va bientôt crever. Les années 80 dans Nuisance, l'émission dédiée aux années 80 et à la merde, la grosse merde qui pue quoi. Mon fion, allez vas-y passe-moi le disque, ouais chouette, c'est parti. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, mon cul. Six, one, four, five. Oui, de la merde. Pour vous ce soir, c'est moi. Le mois, c'est de la merde. Le mois de la merde, c'est mai. Le mois du mois, c'est mai. Le mois de la merde. Crevez les abcès purulents. Absconks. C'est vous. Incohérence, bêtise, humanité. N'est toujours pas coutume dans Nuisance, nous allons lire quelque chose d'intéressant. Le lendemain, il se trouva à l'église à l'heure qu'elle allait à la messe. À l'entrée, il lui donna de l'eau bénite, s'inclinant profondément devant elle. Après, il s'agenouilla auprès d'elle familièrement et lui dit: Madame, sachez que je suis si amoureux de vous que je n'en peux plus ni pisser ni fianter. Je ne sais comment vous l'entendez, s'il m'en advenait quelque mal, qu'en serait-il? Allez, dit-elle, allez, je ne m'en soucie pas, laissez-moi prier Dieu. Mais, dit-il, équivoqué sur Ah, Beaumont le vicomte, je ne saurais, dit-elle, c'est, dit-il, Ah, Beaucon le vicomte, et sur ce, priez Dieu qu'il me donne ce que votre noble cœur désire. Rabelais. Pantagruel, roi des dipsodes, restitué à son naturel avec ses faits et prouesses épouvantables, composé par feu monsieur Alcogribas, abstracteur de quintessence. C'est pas difficile de l'avoir dans le noir, dans le brouillard, le premier soir. Il ne sait combien de temps il va mettre pour rentrer. Il ne sait pas s'il va rentrer. Il ne sait pas pourquoi il est sorti. Il a l'air de quoi avec son petit paquet sous le bras. Il lui semble qu'il est le matin. Il se sent pris de brume fumée, bruine, mal au cœur. Le jour et la nuit tombent en même temps. Il doit être 5 heures. Il fait un rapide calcul arithmétique et évalue que ça équivaut à 17 heures. Mais comme il ne sait plus de quel jour, cela ne signifie rien. La boulangère avait ri lorsqu'il avait demandé si les croissants étaient chauds. Il s'était senti ridicule et les avait pris quand même très vite. Maintenant, il ne va plus les manger. Pourtant, aucune menace ne pèse sur lui. Il est simplement trop tard et il traîne parce qu'il est trop tard. Il passe sa main derrière sa tête et la laisse s'alanguir, remuer doucement les cheveux par vagues. Cela rappelle l'été. Et les caresses sont la seule existence valable. Il aime aussi tenir sa nuque, le bras levé à angle droit. Cela lui fait l'effet d'un tendre support pour retenir sa tête trop lourde de bébé. L'ennuyeux, c'est que les gens risquent de le regarder et qu'il en a une horreur maladive. Aussi, il s'arrête, mais semble pris de rage. Il y a un mendiant en face de lui, morne comme une vieille souche. Cela se reconnaît à ce que l'autre est moins bien habillé que lui, mais surtout qu'il a pris une fois pour toutes une attitude prostrée. Il a envie de contrefaire l'être et de ricaner quelque insulte, mais il se retient car il se rend compte à temps que c'est peut-être dangereux et par prudence ou par pitié. Il s'imagine un moment ce que cela donnerait s'il lui tendait un billet de 100 francs, et ainsi tous les jours à tous les mendiants de Paris. Sans rien fermer. Non pas qu'il reste jambes écartées, mais il ne referme pas les portes du placard. Il prend dans la commode une chemise de soie qui évite les boursouflements, disgracieux, grâce à deux pinces qui laissent l'ampleur qu'il faut. Le contact en est très agréable et caressant. La chemise est brodée délicatement de ses initiales D.P. Il arrive à temps pour empêcher une main lourde et poussive de s'abattre sur elle. Il croyait déceler une pâleur plus démesurée. Des petites veines bleues courent sous la peau, à la commissure des lèvres, au bord des paupières. Au fur et à mesure qu'il les compte, il en discerne d'autres. Myriades et ribambelles de serpents de vie et de mort, craquelés, boursouflés, à la manière d'un tableau couché sur la grossière toile de lin, et à sa merci. Elle est belle. Et elle lui fait peur. D'autant qu'elle devient livide comme une étoile, tandis que le sang se retire sous l'outrage et que le reflux précipité fait palpiter les veines. Faiblement, mais distinctement, pour lui qui reste fasciné et pétrifié d'horreur par ces chemins battant sous le voilage de la peau qui crisse quand on la touche, blanche, tuée de bleu et vivante de bleu, vivante. Elle s'assied adorablement sur la banquette, les deux mains dans les poches et son manteau ouvert, la tête inclinée en avant et se mordant les lèvres dans une attitude délibérée d'ordre qu'il exécute pour la première fois au moins encore. L'inconnue reste muette et impérative. Voilà, donc c'était super bien, c'est génial, Nuisance, j'ai lu un texte intelligent pour une fois. Et donc mon fion, fiante, anal, prout, le cul, le fion, l'anus, sa merde, ça chie dans la merde, toujours merde, et ça c'est nous, voilà. Donc pour ce qui est de tout, voilà, tout c'est la merde, c'est le fiante, c'est la chiotte, le caca, le prout, la merde, et vous, voilà. Donc ça c'est pour tout. Ensuite pour nous, ben c'est crever, les abscons purulents, quoi, les abscons purulents. Abcès purulent de l'absconce c'est nous, voilà c'est ça. Et pour ce qui est de se taire, qui peut le faire? Donc qui peut le faire, lève la main et le fait. Voilà, c'est ça. Si vous y arrivez, ben bravo, quoi. Je vous félicite. Vous faites penser à mes parents, les beaufs, les bourgeois assis sur leur cul, en m'attend NCIS le soir, après avoir bouffé à 19h05 précise. Maintenant, on va écouter du piano. C'est la merde, c'est le fion, c'est la puanteur de la merde qui pue la merde du fion qui encule, l'encule, c'est la merde. On dirait quelqu'un qui est en train de crever au bord de la route. Et voilà, c'est tout. Constater, con, que je suis, à vous voir, vous déblatérer. Alors déblatérez-vous, et c'est tout. Parce que c'est tout ce qu'il y a, votre connerie. Et la merde, c'est vous. Parce que je l'encule, votre merde. Je lui chie à la gueule, à la gueule. Et vous feulez. Oui, vous feulez. Oh, Villeni, merde, va te faire enculer, fils de chiotte. Enfant de chiottes, enfant de merde, crevez les absconses, c'est nous les absconses, crevez-les tous, c'est de la merde, c'est pas humain ces trucs là, ça mérite de crever, crever comme un œil qui fond dans un micro-ondes allumé. Thank you. this is where I know the thunder is turning astray. It's going illness, as in despair. We've got to find the unknown story. We've got to find the unknown to really explain what I mean. To all those motherfuckers dying inside, they're dying from hell. Those fuck faces, I hate them. I hope they die in fucking hell. They're in hell for me. I hope they die forever in pain and suffering, those fucks. They'll die forever, those fucking fuck faces, motherfucking asses, fucks. Fuck 'em all. It's just a stupid story over and over again. They're all gonna die, so fuck 'em, that's what I say. Man, woman, I don't give a fuck, fuck us. Fuck it. Fuck. It's the only fucking truth. We've gotta die about it. We've gotta die for about it. It's all about it, man. It's all about the shit. The fucking shit. And that's where it's going. It's going down. Down. It's going down inside. Inside hell. That's where we are. We're inside hell, motherfuckers. Motherfucking insanity. It's everywhere. That's all I see. Damn it. And this is where whenever is not the place. It's the time, man. Hey, dude. Hey, dudette, woman. We're all fucked. Forget about it. Forget your fucking duties. Just let them go down again to the ground and trample them. Take your kids and burn their faces with fire, an acidic form of death. Kill them. Take your kids and kill them. It's what I want to see. It's what I want to hear. I want to hear their screams. Condemned to hell, those fuckers. Punish them again and again. Hit them with a baseball bat. C'est là que l'enfer est sur terre. Et c'est vous, c'est nous, c'est tout. L'enfer, c'est pour toujours. Et c'est à ce moment-là que vous prenez la batte de baseball et que vous défoncez la tête de vos gamins, les sales mioches. C'est leur faute. C'est eux qui ont gâché votre vie. L'espèce de sale bof de merde que je suis, je vous encule. Je m'encule. Tuez-les tous. Tuez-les toutes et tous. Tuez-les toutes. Tuez-les. Tuons-nous. Tuez-vous. Tuer, c'est le verbe vivre, conjugué au présent de l'infinitif, subjonctivé par l'incandescence de l'incantatoire. Débilitance. Alors sacrifier des poulets à la gloire du macramé. Car c'est le jour ou jamais où on va tous crever. Ouais. It's hell forever. We're all gonna die. We're all gonna die. It's horrible. It's fucking pain and freedom at the same time, you know? Death is like beauty. It's like passion. It's like fuck, you know? You know what I mean? You know what I mean? You're fucked. Do you understand what I'm saying to you? Do you understand something, you stupid motherfuckers? Alors allez dans vos boîtes, dans vos petites boîtes, vos petites télés, vos petits ordinateurs intranets de merde que vous vous enculez dans le fion. Mettez-le vous bien profond, ces merdes. Mettez-les vous bien profond. Deux, trois fois par jour, 4 heures par nuit. Laissez tomber la vie, mourez, mourez, consommez, mourez. Le mouroir, c'est l'infinitif, le conjugué c'est mort. Alors laissez tomber vos boulots de merde, niquez vos parents, niquez vos enfants, prenez vos femmes et vos fils et vos filles et vos maris et brûlez-les, car ils sont laids, comme vous. Êtes laides et laids, mourez en enfer et pourrissez pour toujours, pour toujours, pour toujours. Reste avec nous, nous t'aimons. Nous voulons te voir crever les abscons abcès purulents que nous sommes. Crève-nous, crève-nous. Et quand t'auras fini, on va te tailler les veines avec un bout de verre sale. Alors reste avec nous, nous t'aimons tellement, toi là-bas. Si t'avais autre chose à foutre, enfant de chair, enfant de père, enfant de mère, enfant de deux fois con. Trois fois stupidement blessés dans le fion. Nous sommes de la merde. Et nous le resterons. Tch. Tch. Away, you know, it don't mean shit. That's what I'm telling you. It don't mean shit anymore to me. It's just fucked up in the head, you know. There's nothing to say about it. It's all gone away, and we're all gonna die. So fuck it. Fuck the law. Fuck the people. Fuck the shit. Fuck it. Fuck. The fuck. Just die, motherfuckers. Just die and leave me alone. Stupidity. Débilitance. Imblatération, faisance, de la défaisance. Toujours putride insatisfaction, putrid dissatisfaction, it's never going astray, it's all gonna stay inside, and just shut up, and fuck it, kill it all, kill them all, motherfuckers, kill them all. I can see the wave coming, it's going down, we're all gonna die. I can feel the fire already, it's burning, it's burnt. We have all burnt away, I'm the last fucking one, and I can tell you, you're fucked already. You're dead inside. Dead. So fuck it, just die, just hang yourselves from the ceiling and rot away on your stupid string. And come. Thank you. Nous avons représenté le lavage de la bouche avec du savon. Ce soir, après toute la merde dite, nous revenons et faisons aveu, confession de la stupidité humaine qui nous habite. Bite. Thank you. Thank you. Thank you. c'est bientôt la fin de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, qui va déborder sûrement un petit peu déjà, c'est fait. Voilà, donc on va continuer jusqu'à plus d'heure, parce qu'on est comme ça, nous on vous encule, on s'encule nous-mêmes, donc on aime ça quoi, le fist. Donc cette émission c'est pour tous les fisteuses et les fisteurs de France et de Navarre. Vive le fist. Aujourd'hui, le 3 mai 2013, journée du Fist International, International Fist Day, 3rd of May 2013. Il y a le Salon International du Fist à Toulouse, vous pouvez le trouver vers Airbus là-bas, un gros A380, c'est là. Aujourd'hui même, jusqu'à pas d'heure, Fiston. Thank you. we're gonna fuck you in the asses. You're already dead. We're all gonna die. It's hell. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances pour vous ce soir se termine sur ce patra d'immondice. 43 canalsud@warnet.net. Canal Sud 92.2.